On va parler avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Steph. Salut Danny. Stéphane, je veux te parler de Carey Price qui a atteint hier la 314e victoire. Dans l'histoire du Canadien, dans 15-20 ans d'ici, on va retenir quoi de Carey Price? Mais ça va dépendre de sa vraie carrière surtout. Et évidemment, pour moi, là, gagner un série éliminatoire éventuellement pour Carey Price deviendra l'objet ou le moment qui va déterminer la grandeur de sa carrière avec le Canadien de Montréal. On peut reconnaître ses victoires. Et mais s'il n'arrive pas là, à emmener le Canadien aux grands honneurs, moi je pense que ça va être un petit peu un genre de 5 coups comme vous, c'est-à-dire un grand joueur de hockey qui a connu de une belle carrière à Montréal, mais avec un gros bémol qui fait que oui, la Coupe Stanley, c'est le but ultime. Mais en plus de ça, au moins, il faut performer régulièrement, être des joueurs qui font une différence dans les séries éliminatoires. Et jusqu'à présent, Carey Price n'a pas eu à jouer ce rôle-là. Donc, grande carrière pour Carey Price, mais toujours un bémol tant aussi longtemps pour moi là, qu'ils ne vont pas prouver sa vraie valeur en séries éliminatoires. Est-ce qu'il mériterait d'avoir son chandail retiré? À ce stade-ci, je ne pense pas. Non, hein? Évidemment, là, je ne pense pas. Oui, il bénéficie d'une très grande réputation dans le monde du hockey. Il a encore été élu cette année là, par ses pairs. Le meilleur gardien de la Ligue nationale. Mais je pense pas que jusqu'à présent, il a réussi ou accompli assez dans l'ensemble de sa carrière pour faire de lui un chandail retiré. Et c'est pour ça que je dis faut être reconnaissant de ce que Carey Price a fait jusqu'à présent. C'est un gardien de but de grande qualité. Mais le bémol, il est toujours là comme le bémol Ace pour moi ou Pern sur Seko Koivu. Je l'ai mis un petit peu dans les mêmes genres de situations. Et c'est maintenant à Carey Price de faire éventuellement la différence et idéalement de gagner la Coupe Stanley. On en a parlé l'année passée de Alex Ovechkin, qui lui aussi connaissait un des grands joueurs de l'histoire de hockey. Mais tant aussi longtemps qu'il n'a pas soulevé la Coupe Stanley, à Washington, ben, il y avait des points d'interrogation. Et pour moi, c'est un petit peu la même situation pour Carey Price. Ben, effectivement, hein, parce que tu parles de Carey Price, tu peux mettre Markov dans le même tableau, parce que Markov, tu sais, regarde ça, il est quatrième meilleur défenseur en nombre de points dans l'histoire du Canadien. Hein. Oui, tout à fait. Puis il y a 996 matchs, je pense. Est-ce que Markov mérite? Tu sais, c'est trois joueurs qu'on peut mettre dans le même chapeau, là, dans la même situation. Tout à fait. C'est la différence entre des très belles carrières, des grandes carrières, des carrières extraordinaires où le joueur a vraiment laissé son empreinte et a affecté le succès d'une équipe de hockey. Et ces joueurs-là, ils sont tout prêts, mais est-ce que c'est suffisant? Je me répète, là, moi, je pense que j'ai un bémol. Et je suis en attente. Koivu, pour moi, non. Mike c'est clair. Carey Price est encore ouvert à l'idée. Mais pour moi, ça doit de me prouver encore une fois de sa vraie valeur en série éliminatoire dans la Ligue nationale. Parce que dans le cas de Price, c'est facile. Moi, ce que je reviens pas, c'est la réputation qu'il y a. Parce que quelque part, la réputation qu'il y a, t'aurais mis Marc-André Fleury, t'aurais mis Corey Crawford devant le filet, ça aurait été la même affaire. Hein? Oui, ben c'est ça, sa grande réputation, il a surtout obtenu sur la scène internationale avec les équipes Canada. Ouais. Tu as bien mentionné des puissances mondiales où, oui, c'est important d'avoir un bon gardien de but, mais avec une équipe aussi bien nantie, plusieurs gardiens de but auraient pu peut-être connaître autant de succès que Carey Price. Ben, là, on peut parler de ses belles performances à Carey Price. Oui, par moment, il a aidé son équipe à entrer dans les séries. Il a connu une grosse saison de hockey, un petit peu d'image de José Théodore, où José avait tout gagné, un petit peu comme Carey Price. Mais est-ce que c'est suffisant pour être amené au temple de la renommée et puis avoir son chandail de retiré? Je pense que là, il y a un débat intéressant à avoir. Mais dans le cas de Carey Price, là, je pense que c'est mon opinion et je suis réceptif à l'idée, mais pas convaincu encore. C'est clair, hein, parce que quelque part, parce que là, il est en tête des. Il a rejoint Jacques Plante, il va le battre Jacques Plante à sa prochaine victoire. Par contre, il a eu ça, il a eu ça parce que ça fait 12 ans, c'est la longévité. Quelque part, c'est quand même pas mauvais non plus, parce que. Mais ça va être un bon gardien de but, ça aura pas été un grand gardien de but. C'est ça la différence, dans mon livre à moi. À Pour date, là. À date, là. le moment, c'est toi. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il a encore la chance de devenir là, un très grand gardien de but, justement, en ayant l'impact et à aller chercher à soulever cette Coupe Stanley. OK. Tu parles maintenant, hier, victoire du Canadien, ça a fait couler beaucoup d'encre et il espérait que Kotkaniemi ne soit pas soit retiré d'alignement. Bonne ou mauvaise décision? Moi, je trouve que c'est quand même pas mauvais dans les circonstances, parce que quelque part, le gars a 18 ans, le gars n'est pas habitué nécessairement à de longs calendriers. Un joueur qui est habitué, février-mars, c'est toujours on pogne toujours le mur, qu'on pourrait dire. Donc, quelque part, c'est peut-être pas ça a fait hier flamèche, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, là, de Claude Julien, ce que t'en penses? Ben moi j'étais déçu d'année parce OK. que bon je pense qu'on voulait plutôt permettre à Neil de faire son entrée. Los Angeles, une grosse équipe physique. On était sur la route et on s'est servi un peu de cette excuse-là, de fatigue, tout ça, mais vu la production n'est peut-être pas toujours au rendez-vous pour Kotkaniemi. Par contre, la qualité de son jeu, moi je l'apprécie beaucoup. Et on veut donner de l'expérience à ces jeunes-là, leur donner un rôle important, une identité. Et j'espère qu'il n'y aura pas de répercussions négatives à son égard. Est-ce que ça va jouer dans sa tête? Est-ce que le prochain, est-ce qu'on lui a bien expliqué? Est-ce que lui l'a bien pris? Parce qu'il peut arriver le prochain match, puis commencer à dire, ben là, si je performe pas bien, si je donne des signes de fatigue, on va sortir du line-up, de l'alignement. Donc, c'est là que je me dis, on joue peut-être comme on a déjà joué dans le passé avec certains jeunes. J'espère qu'on n'en est pas là. On va voir les prochaines décisions. Le Canadien a gagné à Los Angeles. Est-ce qu'on va poursuivre son repos? Ou comment du repos a-t-il besoin pour redevenir le joueur que Claude Julien prétend qu'il était avant de sa baisse d'origine? Donc, moi, j'ai plus ou moins de ça. Surtout pour faire la place à un vétéran qui ne va pas nécessairement passer la Canadien. Donc, je répète, j'étais un petit peu déçu de la décision du Canadien de voir retirer le Kotkaniemi de l'alignement. Tu sais que ça va dépendre toujours de la situation, hein? Oui, mais s'il y a des bobos, s'il est blessé, oui, on peut comprendre, parce qu'on a quand même beaucoup de personnel maintenant à Montréal et on veut faire jouer notre monde. Mais s'il n'est pas blessé, s'il est repos, on peut lui donner une journée de congé là, dans les pratiques. Comme certains joueurs prennent de temps en temps, il s'assure que son énergie est gardée pour les matchs de hockey. Steph, la semaine passée, The Athletics ont fait un sondage du meilleur joueur. C'était fait auprès des joueurs de la Ligue nationale. Et c'est encore Sidney Crosby qui est le numéro un. Moi, je suis pas surpris du tout. Moi, je pense qu'on va le voir. On va le voir à la fin de la journée. Mais Crosby, je pense qu'il va amener les Pingouins en série. C'est sûr que, mais au même âge, tu vas-tu Crosby, Kucherov ou McDavid, au même âge, là. C'est sûr que, il y a une différence d'âge, mais tu vas avec qui? Avec Crosby, sans Ouais. hésitation. Puis on le voit, là, Crosby, est-ce qu'il est maintenant, aujourd'hui, le joueur le plus dominant offensivement de la Ligue nationale? Non, il a une bonne saison, il est quatrième chez les marqueurs de la Ligue nationale. Mais ça démontre tout le respect que ses pairs ont pour lui, mais aussi pour l'importance que les joueurs de hockey attachent au fait du leadership, au fait qu'un joueur, non seulement il se doit de produire offensivement, mais il doit rendre les autres meilleurs. C'est ce que Sidney Crosby fait, mais aussi l'impact qu'un joueur a dans le vestiaire par son attitude, par son éthique de travail, par son sacrifice, par tout le personnage de sa personnalité. Il rend les joueurs des Pingouins meilleurs, les vétérans, les recrues, les nouveaux qui arrivent. C'est vraiment un joueur d'impact. Lorsque les joueurs arrivent dans le vestiaire, ils le voient évoluer. C'est un gars qui travaille extrêmement fort dans les pratiques. Donc, son influence au travers de l'organisation, ça, là, c'est vraiment reconnu et apprécié de ses coéquipiers. Puis, c'est pas surprenant qu'il ait encore évalué le joueur numéro un à cause de toutes ces raisons-là. Mais est-ce que, puis moi je suis d'accord avec toi, puis le respect qu'il dégage aussi, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est on a parlé de Jean Béliveau, de sa grande carrière, puis ouais. de sa personnalité, de l'impact. Moi, je pense que Crosby, là, c'est le Jean Béliveau des temps modernes. Dans son ensemble, on le regarde, puis oui, parfois, là, il connaît pas toujours des matchs à la Mario Lemieux, à la Gretzky, il révolue. Mais son impact, soir après soir, journée après soir, un ambassadeur du hockey en général. Donc, je pense que Sidney Crosby, si on se demandait, là, pour Carey Price, tantôt, lui, Crosby, on se pose pas de questions. Son chandail pourrait, ouais, exactement, on se pose même pas de questions. On n'attend même pas un petit peu comme Wayne Gretzky, je pense. Mm. Dans l'hockey d'état moderne, c'est vraiment le Wayne Gretzky. Puis, je suis content de voir que ses pairs le reconnaissent. Même si McDavid est plus électrisant, Kucherov est plus menaçant offensivement, avoir un Crosby dans ton équipe, quand ça rend les autres meilleurs, ben faut pas négliger cet aspect de l'analyse qu'on fait dans le joueur de hockey. Et dans le même sondage, on dit que Piqué Subban était le joueur le plus surévalué de la Ligue nationale. Tu es d'accord? Ben non. Ça, c'est une question un petit peu ambiguë. Est-ce que ça fait référence par rapport au salaire que le joueur fait et sa production? Je suis pas surpris d'un côté, parce que Carey Price, mais Piqué Subban, c'est le genre de joueur qui aime se faire des séries sur la patinoire plus souvent qu'autrement par son style de joueur, par son comportement. Dans le fait qu'il prend beaucoup de place dans les médias, un petit peu comme un joueur de basketball dans la vie de jet-set. Donc, il y a peut-être des joueurs qui en ont profité pour voter contre lui, surévaluer à quel point j'estime que Piqué Subban demeure un excellent défenseur à la Ligue nationale. Mm. C'est pour ça que j'ai de la misère à le voir comme le plus surévalué de la Ligue nationale. OK. Steph, on s'en reparle bientôt. Ben, merci, Danny. Au plaisir. Notre ami Stéphane